J'ai manqué mon autobus. Ah oh, ben ça, c'est le centre. Bon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui viennent en autobus, eh bien, il y a un autobus qui fait le trajet métro Crémazie Centre de l'Universalité gratuitement de 7h30 à 8h15. Tout ce qu'il faut pour monter dedans, c'est de ne pas le manquer, c'est tout. Ah, voilà. C'est quoi ce soir le titre? Ah oui, les ors, voilà. Je vieillis pas à cette vitesse-là, remarquez bien. Alors, on va remplir son verre, pour que ça élimine déjà des questions. Bonsoir. Alors, depuis déjà assez longtemps, lorsque je parle de l'évolution de l'homme, je divise souvent l'homme en plusieurs morceaux, je le fragmente. Alors, je parle de l'anti-homme, je parle de l'ego, je parle de l'âme, je parle de l'homme psychologique, je parle de l'homme réel. À travers cela, je dis qu'il n'y a pas de libre arbitre. Je dis que l'homme est réactionnel, il ne peut pas agir. Je dis que l'homme est assujetti à un mensonge cosmique, à une illusion majeure qui lui fait croire qu'il a un libre arbitre, à un mensonge cosmique qui lui fait croire que l'amour qu'il exprime est de l'amour, à un mensonge cosmique qui lui fait croire que s'il veut, il peut. Et il y a énormément d'autres expressions du mensonge cosmique qui finalement occupent l'homme, le distrait. Toute notre vie, on peut désirer avoir certaines choses, mais le problème, c'est que tout ce que nous allons construire est assujetti à disparaître. Le pire, c'est même notre corps physique que nous voulons peut-être conserver ou agrémenter, colorer, maquiller, entretenir, est finalement voué aussi à l'extinction. La vie, par contre, reste par procréation. Et l'humanité, de quelques personnes, est devenue au-delà de 5 milliards. La vie a resté. À travers les conférences que je donne et à travers les séminaires que je donne, j'essaie d'expliquer aux gens qu'il y a quelque chose chez eux qui peut et qui n'est pas assujetti à l'évolution de ce que j'appelais la semaine dernière l'animal humain. Un autre mot. L'animal humain, c'est peut-être frustrant. Mais c'est exactement comme si vous aviez une compagnie de sucre raffiné, le sucre blanc. Et pendant longtemps, l'humain a manqué de ce sucre. Et le sucre permet d'agrémenter différents mets, de créer des desserts qui plaisent aux enfants, qui plaisent aux adultes. Et vous pensez que vous avez, enfin, finalement, vous constatez que votre compagnie, en plus de créer de l'emploi, donne du sucre raffiné aux individus, et les individus qui ont ce sucre sont plus heureux, ont le sourire. Alors, vous êtes bien vous aussi. Ça ne vous dérange pas de gagner votre vie de cette façon-là. Les gens, vous leur donnez du sucre. Le problème, c'est qu'à un moment donné, un espèce d'imbécile comme moi arrive et fait une conférence sur les dangers du sucre blanc. Ça amène la carie, ça donne des calories vides, ça détruit lentement le corps, ça épuise les cellules, ça finit par amener un paquet de problématiques au niveau de l'alimentation. Et là, vous avez passé combien d'années à penser que vous agissiez bien? Et puis là, un gars comme moi vient dire ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne revenez plus jamais à une de ces conférences. Mais le problème, c'est que le gars, il a quand même raison. Et l'évolution, qu'est-ce que c'est l'évolution? L'évolution, c'est pas se voir accréditer continuellement ce que l'on fait. C'est aussi observer de nouveaux points de vue. Et c'est aussi vérifier si ce que nous faisions qui était utile, eh bien, c'est de voir si c'est toujours utile. J'ai déjà dit que plusieurs choses, yavik, blanc, positif, évolutif, devenaient sataniques, noir, négatif. Involutif, à un moment donné de la vie. Alors, lorsqu'une personne tète après le sein de sa mère, lorsqu'il est bébé, ça va de soi, c'est yavik. Lorsqu'il a 22 ans, c'est satanique. Et quand on parle satanique, ça fait référence à Satan. Mais le terme satanique est un terme plus vaste que Satan. Satan est satanique. Ça va de soi. Mais une chose qui est bénéfique pour l'humain dans un laps de temps de son évolution peut finir par devenir maléfique. Alors, lorsque j'allais à l'école et qu'on m'expliquait que les enfants naissaient dans les choux ou dans les roses, c'était peut-être bénéfique. Ça permettait au professeur de ne pas perdre la face. C'est pas pour les jeunes qu'on dit ça, c'est les adultes. Mais à un moment donné, quand je suis rendu à un âge où je devrais avoir des enfants puis que je cultive les choux et les roses, c'est peut-être maléfique maintenant ce qu'on m'enseignait. Et la problématique, c'est qu'on ne veut pas abandonner quelque chose qu'on a fait au nom du fait qu'on le fait depuis longtemps et au nom du fait que ça a déjà marché. Et ça, c'est un problème de stagnation. La stagnation fait partie de l'involution. C'est-à-dire que lorsque vous roulez à 40 km à l'heure dans une zone de 20, vous avancez deux fois plus vite que ceux qui roulent à 20. Lorsque vous prenez l'autoroute à 40 km à l'heure puis que vous continuez à conserver votre vitesse, là, vous allez aller deux ou trois fois plus lentement que ceux qui sont sur l'autoroute. De ce fait, les automobiles qui passaient comme ça avant, maintenant passent comme ça. Avant, à 40 km à l'heure, vous devanciez, et maintenant, parce que vous êtes cristallisé dans ce qui a déjà marché, eh bien, vous reculez par rapport à ceux qui vous devancent. Les ordres, c'est pas l'ordre « je t'ordonne de faire quelque chose », ça va de soi. Le rôle des ordres, les ordres célestes, les ordres cosmiques, c'est premièrement d'implanter une condition évolutive dans la conscience de l'homme, et par la suite, c'est d'obliger cette implantation à être conservée. L'homme n'a pas le droit et n'a pas la fonction de changer un ordre établi. Par contre, l'homme pourrait arriver, parce que l'être humain est de la puissance terrestrifiée, humanisée, densifiée, planétarisée, abaissée, qui a fait une chute, dépendant des mots, comme vous voudrez. Quand on est bien, bien bas, on dit qu'on a fait une chute. Puis quand on est un petit peu plus haut, on dit qu'on a descendu. Bon, parce qu'effectivement, on a descendu. On n'a pas fait de chute. Imaginez-vous une créature de Dieu qui fait une chute, puis qui créait l'image de Dieu. Fait que quand Dieu est tombé avec nous autres, ça a dû faire du bruit. Bon. Lorsque nous implantons des ordres dans la conscience évolutive de l'homme, c'est simplement pour que l'homme, dans son ignorance cosmique, soit régi par une espèce de coordination qui va permettre de l'événementiel, qui va permettre simplement d'engendrer des événements qui vont permettre des choses. La planète Terre, c'est de la matière. Il y a de l'intelligence dedans, mais elle n'est pas révélée. L'homme est là pour la révéler. Tout ce qui va pousser sur la planète Terre, donc ce qui va vivre, les végétaux, les animaux, et le corps animal de l'homme, qui est un corps animal, a de l'intelligence. Mais cette intelligence ne sera révélée que par l'homme. L'homme pourra dresser le chien, le cheval. L'homme pourra faire les cultures. Arriver à faire un grain de blé qui ne tombe pas au vent et qui va être facilement cultivable, dont les grains vont donner de très bons plants et qui va être facilement malléabilisable par les outils de l'homme. Imaginez-vous que vous avez du blé qui pousse, et le blé sauvage, c'est comme ça, le blé, disons, le riz sauvage. Vous prenez une gerbe de riz, vous prenez une fossile et vous tapez dedans, tout le riz tombe à terre. Pourquoi? Parce que la nature, elle a fait le riz de façon à ce que le vent le jette à terre pour que ça se promène. Il y a de l'intelligence là-dedans. Alors, l'homme fait la cueillette. Mais lentement, l'homme va arriver inconsciemment, on va dire, mais c'est ça l'intelligence qui habite l'homme et qui, même si l'homme ne sait pas ce qu'il fait, il le fait bien, va permettre la mutation génétique à travers les temps du riz, comme de d'autres légumineuses ou d'autres plantes que nous allons cultiver. Et finalement, il pourra le mettre dans sa cour, puis le vent ne l'amènera pas dans le bois. Pourquoi? Parce que les grains maintenant ne tombent plus. Alors même l'homme pourra les cueillir sans le perdre. Et par la suite, il pourra, avec certains outils, et maintenant on a des moissonneuses batteuses qui vont faire le travail, l'intelligence de ces choses-là a été révélée, c'est-à-dire qu'elle a été améliorée, elle a été exprimée par le passage de l'homme. Mais le corps de l'homme fait partie de l'animal, et ça c'est de l'intelligence. L'intelligence qui l'habite doit révéler l'intelligence qui habite le corps. Sauf que, j'ai déjà expliqué souvent que la fonction collective de l'homme, c'était juste de sécréter, de souffrir. Le rôle planétaire de l'homme, tant que l'homme n'a pas la conscience de son intelligence, c'est de souffrir. Et une personne va me dire, ben voyons donc, pas de problème alors. Le rôle de l'homme, c'est d'être heureux. Mais depuis des millions d'années, il souffre. Bon. On peut philosophiquement dire ce que l'on voudra. On peut avoir de l'espoir. Mais à travers cela, l'amour est souffrant. Ce que nous gagnons, nous le perdons. Nous naissons, nous mourons. Il y a des guerres, des famines, des épidémies. Vous connaissez pas ça? Ben oui, il y a des épidémies ici. De temps en temps, on va dans un club vidéo, puis la cassette qu'on veut prendre n'est plus là. Hein? Alors on en souffre. Bon, on a des épidémies. Bon, c'est ce qu'on vit. On a tout ce qu'il faut pour être aussi souffrant que celui qui vit dans un pays sous-développé ou en voie de sous-développement. On a la même chose. On n'est pas plus heureux, on n'est pas plus tranquille. Par contre, on a des maladies de dégénérescence. Par contre, on a des cancers qu'ils n'auront pas. Par contre, on souffre du stress. Ouais, mais on vit quand même 20 ans de plus. T'as raison. 20 ans de plus à chialer. Bon, on vit 20 ans de plus. Mais 20 ans de plus sur 4,5 milliards d'années d'existence actuelle de notre univers, c'est quoi 20 ans de plus? Franchement. Mieux vaudrait être immortel. Là, ça aurait une raison d'être. Et l'homme peut le devenir. Sauf que l'homme qui va devenir immortel, ce n'est pas l'homme qui vous habite présentement. Ce que j'appelle, moi, l'anti-homme. La fonction des ordres, c'est d'instaurer, et Jéhovah a été le premier instaurateur d'ordre, il a amené la loi. Yahvé a amené la relation entre l'homme et la loi, ce qu'on appelait l'amour. Et il y a eu d'autres instaurateurs d'ordre. Mais ce que l'on doit comprendre, c'est que l'intelligence veut récupérer l'intelligence. On peut dire Dieu veut récupérer Dieu. Bon, OK. La matière, c'est de l'énergie. Si on fait exploser une bombe nucléaire, on dégage l'énergie. Mais l'énergie, ce n'est pas la fin du monde. Donc, n'ayez pas peur pour un apocalypse. Pas la fin du monde. Il y a quelque chose de plus puissant que de l'énergie. C'est de l'intelligence. Mais l'intelligence ne peut pas être exprimée sans l'énergie et l'énergie ne peut pas être exprimée sans la matière. Elle est supportée par la condition matérielle. Vous êtes de l'énergie. Mais de l'énergie matérielle. Donc, ça ne paraît pas. Et au nom du fait que ça ne paraît pas, on l'oublie. Vous êtes de l'intelligence. Mais parce que tout ce que, apparemment, vous entreprenez ne réussit pas, parce que vous êtes assujetti à la maladie, de toute façon, vous êtes encore obligé de manger, de dormir et d'excréter. Ce qui fait qu'en partant, l'intelligence est bien limitée. On est obligé de se déplacer avec nos corps physiques pour aller quelque part. On est obligé de... Bon, c'est très limité déjà. On gèle l'hiver encore. Bon, alors qu'on pourrait avoir chaud. Alors, il y a de l'intelligence chez l'homme très, très inexprimée. L'intelligence cosmique, elle, a besoin de la matière et elle doit rendre divin, c'est-à-dire énergétique ou intelligent la matière. À travers cela, elle va exprimer des choses dans la matière et ces choses-là dans la matière vont devenir de la matière. Et matière sur matière, lentement, ça se réchauffe à un point tel, comme une centrale nucléaire, et ça devient de la vie. Ça se réchauffe à un point tel que ça devient de la conscience, une conscience mémorielle. C'est là le problème. Ça devient l'ego, ça devient l'âme. L'ordre qui est établi est là pour obliger l'intelligence qui descend dans la matière à rester dans la matière, à rester dedans. Parce que le rôle de l'intelligence qui descend dans la matière, c'est de manipuler la matière, d'accumuler encore plus d'intelligence pour finalement ramener la matière à l'énergie, et ramener l'énergie à l'intelligence, et ramener l'intelligence à la création du don créateur, si vous voulez, c'est la même chose. Bon. Alors, le problème, c'est que lorsque les corps biologiques sont animés par un peu de conscience, lorsque vous découvrez que vous avez la vie, la conscience de la vie, lorsque vous découvrez que vous savez, lorsque vous savez que vous savez, l'animal, il sait, mais il ne sait pas qui c'est. Il sait où aller, mais il ne sait pas qui sait où aller. L'homme le sait, qu'il sait. Lorsqu'on a ces choses-là, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fout ici? Et vous l'êtes déjà posé. Un monde d'imbéciles, un monde de souffrance, le Bouddha en a parlé, le Nazaréen en a parlé, plusieurs autres en ont parlé. Il y en a qui en sont venus fous à force d'en parler. Moi, je vais savoir quand me taire. Bon, ça ne vous en parle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que le peu de conscience qui apparaît dans la matière voudra s'en aller. Et pour que le peu de conscience qui apparaît dans la matière ne s'en aille pas, mais reste dans la matière, on engendre des mécanicités plus intelligentes, c'est-à-dire moins refroidies que l'homme, pour diriger l'homme. Des ordres célestes, des hiérarchies. Alors, le premier ordonnateur Jéhovah va venir et va instaurer de l'ordre. Et il va engendrer des archétypes, des vieilles mémoires, des vieilles formes, dans un monde qui s'appelle le ciel, et de ce ciel sera engendrée une réplique plus refroidie des cieux. Et ça va s'appeler l'âme. Et c'est du ciel que provient l'âme. Et c'est dans le ciel que va l'âme. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que les ordres vont s'arranger pour que la conscience qui va maintenant habiter la matière ne puisse pas fuir la matière. Alors, il y a deux conditions très intéressantes, deux ordres qui doivent s'établir. Un ordre satanique et un ordre luciférien, amené par Jéhovah. Ça fait longtemps. Vous étiez là, mais pas comme ça. Ça fait longtemps. Vous avez une conscience qui vous dit, que vous dit souvent que vous êtes écœuré de cette misère. Et cette conscience-là, elle amène des individus même jusqu'au suicide, ce qui est une erreur, parce que lorsqu'on se suicide, on va dans le monde de la mort, dans le ciel, et puis on revient à la prison. Bon, ça, c'est pas génial. Mais la conscience, pourquoi l'être humain veut-il s'améliorer? Pourquoi l'être humain veut-il évoluer? Cette évolution-là, elle est ascendante. Et cette évolution-là, c'est nécessairement l'attraction que va exprimer le corps de l'homme sur l'intelligence, sur ce que vous pourriez appeler Dieu. Alors, le corps de l'homme attire cela dans lui, et il doit l'exprimer. Le problème, c'est que lorsqu'il l'attire, la partie de l'âme expérimente ce contact, et l'âme pourra dire, « J'ai eu un contact avec Dieu. » Elle expérimente le contact, et expérimentant le contact, elle a une idée, fuir. Pour empêcher cela, un ordre est instauré où l'ego, l'âme, devra s'identifier au corps physique, pour obliger l'ego à avoir dans son concept illusoire d'évolution qu'il doit amener avec lui son corps physique. Alors là, l'humain aura peur de la mort. Il voudra évoluer, il souffrira les camps de concentration, il souffrira les accidents, il souffrira le manque de cassettes, mais il restera en vie. Pourquoi il restera en vie? Parce qu'il s'identifie énormément à son corps et à l'expérience qu'a vécu le corps sur la planète Terre. Et ça, c'est un ordre qui est orchestré. Mais l'ordre lui-même va arranger quoi? C'est lui qui va déterminer les guerres, aidé par des phénomènes archangéliques qui sont un ordre. Ces ordres-là vont délimiter les maladies. Quelle planète, ou quelle, sur une planète, quel continent, ou quelle race, quelle nation, auront quelle maladie? C'est-à-dire, les modes. Les modes sont orchestrés par des ordres. Alors, on a la mode de la purification. Alors, l'ego qui s'identifie au corps blanc de l'homme finit par dire que l'homme blanc est ce qu'il y a de mieux. Alors, lentement, on va raffiner le sucre pour le faire blanc, la farine pour la faire blanche. On va raffiner énormément de choses pour que ce soit pur. Et nécessairement, on va engendrer des maladies. Les maladies de l'homme pur. Bon. Ou des pures maladies. Lorsque les ordres ont instauré ces choses, l'homme embarque. L'ordre va instaurer... Yahvé va instaurer des lois comme « tu ne tueras point ». Jéhovah, comme d'autres phénomènes qui ordonnent les conditions évolutives de l'homme, place des mécanicités collectives auxquelles toute l'humanité va s'assujettir, va devenir esclave, de façon à ce qu'aucun de vous ne puissiez échapper avec vos corps ou avec vos âmes à l'orchestration de l'évolution du monde. Vous habitez un corps parce que vous ne l'habitez que pour le manipuler. Le rôle fondamental de l'évolution des corps sur le plan planétaire, c'est de muter le corps de façon à ce que le corps un jour puisse supporter plus d'intelligence, plus de Dieu. Le problème, c'est que pour que le corps se mute, il doit être animé. Mais il ne peut pas être animé par Dieu parce que lorsque Dieu le touche, le corps explose. Il devient fou si c'est un petit contact. Il a des problèmes coronariens, il devient malade si c'est des contacts un petit peu plus forts. Ou carrément, il meurt. Pour éviter cela, il y a un tampon, l'astral, l'âme. Ce tampon-là, il vous habite, et ce tampon-là est la copie colorée de la réalité. Et cette copie, elle n'est pas une copie à deux dimensions comme une photographie, elle est sur toutes les dimensions, ce qui fait qu'elle a la même puissance tempérée que les divinités. Et l'ordre doit être instauré pour que ces copies-là, les âmes, ne puissent pas se prendre au sérieux à un point tel, ne puissent pas se développer suffisamment pour entrer en conflit avec la réalité, ce qu'on pourrait appeler l'esprit divin, le plan divin ou Dieu, l'intelligence. Alors pour cela, il y aura des ordres. Il y aura la mode auquel la psychologie, l'ego va s'assujettir. Le temps qu'il s'occupe de la mode, il n'évolue pas suffisamment pour devenir trop puissant. Et pendant ce temps, il promène le corps physique, il vit des frustrations, il vit des plaisirs, et à travers cette vie inconsciente, l'intelligence descend lentement chez lui. Et lorsque l'intelligence descend chez l'homme, elle finit par s'opposer à l'âme. Alors, lentement, vous allez avoir un désir et quelque chose chez vous va venir vous brimer votre désir avant même de l'appliquer. C'est l'ajusteur de pensée. Alors, l'homme finit par se poser des questions neuves. L'esprit commence à pousser. Alors, il arrive une chose. Il arrive que l'ego va vivre du snobisme de l'évolution. La partie de l'homme qui est de l'âme et qui va finir par vouloir expérimenter le contact se prenant au sérieux vit des mécanicités. Encore une fois, les ordres vont venir s'impliquer là-dedans pour que vous restiez ce que vous êtes, pour que vous le restiez à jamais. Lorsque je parle, je dis que l'âme est un tampon temporaire et que l'âme est immortelle, mais que l'âme n'est pas éternelle. Un jour, il n'y aura plus d'âme. Raison de plus pour cesser de s'identifier à notre âme. Les ordres sont établis pour l'évolution des collectivités de façon à ce que ces collectivités s'identifient toujours à leurs âmes. Étant donné que l'âme est collective et que l'âme provient du même monde, le monde de la mort, le ciel, les ordres qui installent l'érection de l'évolution des masses sur le plan planétaire n'ont qu'à manipuler le phénomène astral, le ciel, les copies des divinités, pour que toute l'humanité au complet y soit assujettie, y soit manipulée. Lorsque l'être humain qui vous habite, lorsque l'intelligence qui vous habite, lorsque ce qui chez vous de temps en temps engendre la peur. Pourquoi de temps en temps l'être humain vit-il le doute? Pourquoi a-t-il peur? On dit, et théologiquement on le dit souvent, si tu as un doute, c'est que tu n'es pas pur. C'est vrai. Si tu as un doute, c'est que tu n'es pas pur. Sauf que qu'est-ce qui est impur, c'est la partie divine chez toi. Parce que ce qui parle, c'est la partie astrale qui parle. Alors, c'est exactement comme si vous aviez de l'huile sale, puis vous mettez une goutte d'huile neuve dedans. L'huile sale pourra dire, « Hey, la goutte qui vient de rentrer est impure. » Sauf que cosmiquement, c'est l'inverse. Mais du point de vue de l'huile, du point de vue de l'âme, c'est comme ça. Qu'est-ce qui engendre le doute chez l'homme? À un moment donné, vous doutez de Dieu. Rien de mieux pour développer le discernement, n'est-ce pas, douter de Dieu. Au lieu de croire en Dieu, parce que tout le monde y croit, parce qu'on vous a instruit à y croire, parce que vous en doutez, à un moment donné, vous allez peut-être y revenir, mais ce sera vous qui l'aurez décidé. Quand un doute apparaît chez l'homme, c'est souffrant. C'est l'opposition de l'esprit contre l'âme. Si vous allez quelque part, et puis vous allez entendre une conférence ou lire un livre ou voir quelque chose, et puis vous dites, oui, mais c'est à cause de ça maintenant que je doute, là, je suis tout mélangé. Mais non, non. Tout le prototype qui est régi par les ordres et qui vous contient dans une forme d'évolution souffrante où elle a main mise sur l'homme, quand vous êtes tout mélangé, c'est ça qui est tout mélangé, parce que quelque chose est rentré et l'a perturbé. Et la personne, elle souffre à l'intérieur. Cette souffrance, elle est purgative, elle est bonne. Elle n'est pas plaisante pour l'anti-homme qui est assujetti aux ordres. Qu'est-ce qu'un ordre? L'ordre est ce qui va ériger toute forme de religion organisée. L'ordre, ou les ordres, c'est ce qui va ériger toute forme de déplacement organisé, toute forme d'habillement organisé, toute forme de guerre organisée, toute forme de lecture organisée, toute forme d'alimentation organisée. Qu'est-ce que je veux dire? Vous priez un Dieu, non pas selon votre façon de le percevoir, mais selon la façon dont les prêtres l'aperçoivent. Vous ne vous en rendez pas compte, c'est que vous devez prier comme les prêtres le disent. Vous vous en rendez compte, vous devez vous l'affirmer et maintenant prier comme vous voulez prier. Le problème, c'est que l'individu qui commence à se dégager un peu des premiers ordres d'évolution, maudit l'ordre qui a été établi. Et c'est un problème majeur. Ce n'est pas parce que moi je m'en sors que toute l'humanité n'a plus besoin. C'est ce qui arrive souvent et c'est un problème. Et nécessairement, par contre, ceux qui en ont encore besoin vont vouloir détruire ce que vous faites. C'est normal parce que vous créez l'insécurité, vous créez le doute. Mais ce doute, il est salutaire. C'est ça qui amène l'intelligence. Quand on a commencé à douter à la génération spontanée, c'est-à-dire que parce que tu t'habilles en vert, nécessairement, tu vas avoir la diarrhée, là, bon. Ou parce que tu mets de la viande sur une table, et puis subitement, de la viande naît les vers, génération spontanée. Quand on a commencé à instaurer le doute là-dedans, c'est Pasteur surtout qui l'a amené, Eh bien, on a découvert qu'il y avait des microbes dans l'air, et ce qui faisait que quand on t'opérait le ventre quelque part sur une table devant plein de public qui viennent voir, parce que l'aristocratie à l'époque aimait bien voir comment vous étiez bâti. Alors, tout le monde venait souffler là-dedans pour voir si ça avait de l'air, puis on vous touchait avec les mains, on se mouchait avec les manches, puis après ça, on vous opérait. Mais la génération spontanée faisait que l'infection prenait chez vous. C'était impur. C'était prouvé que si on opérait quelqu'un de pur, ça n'arrivait pas. Mais on n'a pas trouvé de quelqu'un de pur. Bon. Parce qu'à un moment donné, le doute est apparu, on a changé les choses. La science s'y est opposée, la théologie s'y est opposée, comme c'est arrivé souvent. L'ordre est là pour que rien ne change. Mais l'homme est là pour changer les ordres. Vous êtes tous des petits bébés. Vous êtes tous des fils et des filles de rois. Alors que lorsque vous êtes venus au monde, une nourrice vous a pris, une servante du roi. Elle vous a pris et elle vous a pesé, elle vous a habillé, elle vous a donné à boire parce que la reine était trop occupée. Et elle vous a chicané les premières fois que vous avez jeté tout un amanchure à terre. Et parce qu'à l'époque, on parle de roi-reine, il n'y a pas de dadjack pour les fouiller. Fait que dans ce temps-là, on s'attaquait aux armures, bon, qui traînaient. Et lentement, vous avez eu 5 ans, 6 ans. Alors, on vous a présenté quelqu'un d'autre. Une personne qui va vous montrer soit à faire la cuisine. Non, vous êtes une fille de reine, alors pas à faire la cuisine. À diriger ceux qui vont faire la cuisine, à être snob, à boire le thé le petit doigt en l'air, et à manger la soupe en soufflant une seule fois, puis à la... Bon, ouais, des choses comme ça, des choses inutiles, quoi. Bon. Et puis, si vous êtes un gars, on va vous montrer le métier des armes, on va vous montrer à faire de l'équitation, la femme aussi. Bon. Mais là, la personne qui vous enseigne ça, c'est qui? C'est un ordre. C'est une personne qui va établir de l'ordre. Elle va vous réveiller à l'heure. Elle est mandatée par le roi et par la reine. Alors, vous allez écouter, hein? Vous êtes son prochain maître. Mais pour l'instant, il est votre maître. C'est ça, l'ordre. Alors, il va vous dire, « Non, tu recommences, puis t'as mal fait. » Puis si vous devez apprendre le violon, le prof de violon, il va vous montrer à jouer du violon. Il va vous taper dessus. Le roi, la reine ne diront rien, parce que tu veux avoir un enfant qui va jouer du violon comme pas un. Fait que bûche, mais qui joue du violon. Et lentement, vous avez l'âge de 14-15 ans. Et vous avez encore la nourrice qui se promène autour de vous, qui, elle, ne veut pas perdre sa place, c'est-à-dire le pouvoir qu'elle avait sur vous. Alors, elle va commencer à vous têter. Elle va dire, « Oui, mais, tu sais, quand je chicanais, c'était pour ton bien. » Et vous êtes suffisamment intelligent pour dire oui ou bien vous allez dire non. Et là, vous refusez les églises, vous refusez les ordres, vous refusez la nourrice. Mais la nourrice, elle vous a fait vivre le temps où vous n'avez pas la conscience de vivre. Là, le maître d'armes, c'est la même chose, ou le professeur de violon, etc. Et lentement, eh bien, on va vous montrer d'autres choses, la parole, par exemple. Alors, vous rencontrez une personne qui est très bien vue du roi, conseiller du roi, et qui va vous montrer comment parler maintenant au peuple, comment les manipuler. Mais il y a eu un temps où vous étiez manipulé par des gens du peuple. Alors là, on va te dire, quand la nourrice vient, ne lui dis plus, « Peux-tu, s'il vous plaît, m'amener un verre d'eau? » Tu dois lui dire, « Amène-moi un verre d'eau. » Tu dois ne pas être draconien, mais tu dois savoir que ta place dans ce royaume, ce n'est pas de demander comme un esclave. Tu es celui qui va leur donner salaire plus tard, qui va diriger tout le royaume et qui va le protéger, le royaume. Alors, soit te faire respecter, craindre, mais pas engendrer la peur, engendrer un respect. Alors là, faut que tu rencontres ta nounou, puis qui essaye de te minoucher, qui va encore te flatter d'un cheveu, même si tu as 16-17 ans, parce qu'elle, elle tient absolument à ce que, au nom du fait qu'elle t'a élevé quand tu étais jeune, avoir un poste très élevé plus tard. Le maître d'armes va aussi faire la même chose. Sauf que celui qui t'aura appris à parler, lui, il est suffisamment intelligent pour ne pas avoir besoin de poste, lui. Lui, il se contente de ce qu'il a. Ce sont des ordres célestes d'ordre de niveaux différents. Le problème, c'est que l'homme... Étant venu au monde pour accomplir une tâche qu'aucun phénomène énergétique du plan divin allé au plan matériel n'avait la possibilité d'exécuter, il est venu au monde. Étant venu au monde, il est venu refroidi en tant qu'adulte. Alors, il est venu au monde dans un petit corps, la matière, avec un cerveau non suffisamment solide. Alors, on doit l'éduquer, on doit y laisser le temps. Avec un corps, un système endocrinien non suffisamment solide pour exprimer de l'intelligence dans l'émotion. Là, il braille pour rien. Il ne sait pas s'il est content ou s'il est malheureux, mais quand il se passe de quoi, il braille, le petit maudit. Bon, ce qui arrive avec l'homme. Et lentement, des personnages autour de cet enfant-là vont l'éduquer pour qu'il devienne prince, princesse, roi, reine. Mais ça prend le temps que ça prend. Mais le problème qu'il y a, c'est que si la nounou, elle a un petit peu trop d'intelligence et pas assez, elle va vous dire, à l'âge de 4 ans, « Tu sais, quand tu seras grande, moi toujours être ta nounou. » Et là, lentement, et c'est ça le problème de l'ordre, c'est qu'il acquiert le pouvoir. Plus un ordre est instauré bas, plus il a la faculté d'être manipulé par l'idée du pouvoir. En haut, on a de la puissance. En bas, c'est du pouvoir. Alors, lentement, la nounou, le maître d'armes, vont commencer à bien vous instruire immédiatement que vous ne devez pas les oublier et que vous devrez continuellement et toujours les écouter. « Oh, tu seras un roi! Mais tu auras été un roi formé par moi, le maître d'armes! Et je serai toujours essentiel pour toi. » C'est vrai, il a raison, mais pas sur son point de vue. Il sera essentiel pour éduquer mon prochain fils, peut-être. Ou pour se battre aux côtés de mes armées, peut-être. Mais pas comme lui veut me le faire comprendre. Alors, les ordres établis, c'est ce qu'ils font. Si, à un moment donné, à travers l'évolution de ce royaume, les ordres refusent d'abdiquer lorsque vous montez. À 8 ans, tu dois lâcher la nounou et maintenant apprendre autre chose. Mais la nounou, secrètement, t'écrit des mots. Ça fait 4 ans qu'elle te prépare à 8 ans à ne pas la lâcher. Ça va créer quel problème? Le problème où on devra engendrer le doute chez vous. Et ce doute sera la seule façon de vous détacher d'une chose qui vous a été essentielle, mais qui maintenant vous nuit. Et ce doute qui fait tant souffrir la personne, je rencontre le prince et je lui dis, « Ta nounou, là, peut-être qu'elle veut te posséder, peut-être qu'elle veut te manipuler. J'ai l'impression qu'elle veut pas que tu deviennes un adulte. Elle continue encore à te donner les mêmes gâteries qu'elle te donnait quand tu étais jeune. Même si tu n'en veux plus. Et en plus, elle te culpabilise parce qu'elle feint la souffrance quand tu refuses. Parce qu'elle refuse que tu changes. Mais son rôle est justement de te faire évoluer. Mais tant que tu es plus bas, elle te fait monter. Et lorsqu'elle te sent t'éloigner d'elle, elle fait tout maintenant pour te conserver. Et c'est là qu'une chose yavique devient satanique. La fonction des ordres, c'est d'aider l'homme, tant que l'homme n'a pas toutes les consciences, à avancer vers cet état de conscience. Le problème des ordres, comment peuvent-ils nuire? C'est que lorsqu'on n'a plus besoin de certaines conditions ordonnées, lorsque ces lois ne s'appliquent plus à nous. La nounou, elle va vous dire, ce n'est pas bien de manger tout le gâteau. Et elle va vous chicaner. Elle en a le droit. À un moment donné, vous mangez le gâteau au complet et la nounou vient et elle vous chicane. Elle n'en a plus le droit. Vous comprenez? Elle n'en a plus le droit. Mais vous allez dire, oui, mais c'est quand même pas correct ce que j'ai fait. Soit! Et vous le comprendrez d'ici peu. Mais ça n'empêche pas que la nounou, elle n'a plus le droit de vous taper dessus. Alors, à un moment donné, il y a des vieux archétypes religieux qui vous tapaient dedans. Et ils faisaient bien. Mais à un moment donné, vous continuez à faire une chose qui est inécologique, inintelligente. On appelle ça un péché, émotivement. Et ça veut encore vous taper dessus. Mais ça n'a plus le droit. Parce qu'elle vous a amené, cette loi-là, à comprendre. Et maintenant, vous êtes en train de passer l'examen. Et qu'elle cesse de vous emmerder. Parce que sinon, vous allez rester assujetti à elle. Le prince qui est tout déformé, qui arrive sur le royaume, sur le trône, et qui dit, « Nounou, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Non. Quand je dis que l'homme, un jour, devra instruire le monde de la mort, il y a une intelligence intentionnelle qui avait une intention. Elle a engendré une seule action, la création. C'est pourquoi je l'appelle création. De cette action découle le reste, qui est réactionnel. À travers ce qui se descend au niveau de la matière, donc des plans qui lentement se refroidissent, parce qu'il n'y a pas de limite comme ça, vous savez. Il n'y a pas de limite réelle entre le plan vital et le plan astral, entre la vie et l'âme. Mais à un moment donné, tu sais que tu n'es plus dans un, tu es dans l'autre. Mais où est la limite? L'air du poisson finit quand? L'air du Verseau commence quand? Les influences se font sentir, puis vont se faire sentir dans l'air du Verseau. Mais quand va être la limite? Il n'y aura pas. Mais il y a une transformation. Quand est-ce que 5 degrés devient 6 degrés? La température de l'eau, quand elle chauffe, c'est graduel. À un moment donné, tu sais que tu n'es plus dans le 5 degrés ou tu sais que tu n'es plus dans le 6 degrés. Mais la nuance, elle est où? Lorsque l'être humain évolue, la nuance n'étant pas là, c'est facile pour la nounou, le maître d'armes, de vous ramasser par les culottes. Parce qu'il n'y a pas d'anniversaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiation de votre évolution. Quand tu as 7 ans, la nounou te gère. À 8 ans, elle ne peut plus. Mais si jamais on ne te fête, quand sauras-tu que tu as 8 ans? Si tu ne peux pas compter les années, si tu ne peux pas compter les heures, les minutes ou les secondes, bref, si tu ne dois te fier qu'à toi pour savoir que maintenant tu as 8 ans et que la nounou ne peut t'écouter, ne peut te diriger. Alors, le problème, c'est cela. Alors, les écoles, l'ordre plus intelligent engendre des initiations pour que vous compreniez. Des fêtes, on vous fête. Alors, tout va bien, tout va merveilleusement bien. On est rentré dans une secte, on a lâché telle autre affaire, ça marche. Puis au bout de quelques années, le doute, où on voit quelque chose, paf! Puis là, on ne comprend plus. Il y a une personne qui m'expliquait ça dernièrement. Elle est allée chercher une personne d'une religion, et très, très, très, très avancée. Cette personne-là, elle travaille à la télévision, donc elle est connue. Et puis, elle est allée visiter un endroit où il y a, où se rassemblent ces gens-là de cette religion-là. La personne, elle est très, très haute là-dedans. Alors, c'est la première fois qu'elle a visité cet endroit-là, parce qu'il y en a plusieurs au Canada. Lorsqu'elle est rentrée avec notre animateur, elle est rentrée là, puis tout le monde connaissait l'animateur, fait qu'ils ont tous sauté sur l'animateur. « Bonjour, comment ça va? » Puis, on vous écoute souvent. L'autre à côté, il était comme ça, deux mains dans les poches. Puis là, il suivait. Puis finalement, on lui a demandé, « Bon, voulez-vous visiter telle salle? » »« Non, non, c'est pas nécessaire. » Toute défaite, toute frustrée, parce que lui s'attendait à ce que le show, ce soit lui, pas l'animateur. Il a passé sa vie à jouer devant les autres, mais à ne pas jouer devant lui. Et là, il allait là pour encore se faire bon, puis c'est l'autre qui a ramassé tout. Alors, il a même pas bu son café, il a rien fait, il a voulu partir, puis il a même dit qu'il s'était fait fourrer. Alors que personne ne l'avait fourré, sauf lui. Qu'est-ce qui arrive à notre personne, à une personne qui est dans cette religion-là? Elle va dire, tabarnouche, il me semblait qu'il était haut, puis paf! Bien, c'est ça, c'est sa fête. Oui! Et là, s'il décode, s'il apprend, il passe à un autre niveau. Mais le problème, c'est que tous les ordres, les conditions qui organisent l'humain s'arrangent pour que la nounou s'arrange pour que vous ne l'oubliez pas. Et c'est elle qui va engendrer, qui va permettre à l'intelligence d'engendrer le doute chez vous. Le rôle des ordres, c'est de faire évoluer l'humain. Il y a toujours une logistique. Quand on amène des lois sur le plan planétaire, c'est parce que l'homme n'a pas la conscience de les créer lui-même. Mais lorsque le prince est devenu ou la princesse suffisamment solide pour ordonner sur ce point-là, les ordres qui étaient déjà instaurés doivent maintenant s'exécuter. Mais on vous a conditionné continuellement à penser que vous aviez fait une chute à cause d'une connerie. Adam et Ève, dans notre religion, mais d'autres phénomènes aussi intéressants dans d'autres religions, à cause d'une pomme qui se vend 20 € sur le marché, elle a fait une bébite. Et puis de là descend toute l'humanité qui devrait continuellement savoir qu'à la naissance, il souffre d'un péché. Péché originel. L'ordre qui a instauré ce genre de jeu l'a instauré pour que l'homme qui vient au monde se dise « Je suis un roi coupable! » Alors, pendant qu'il est un roi coupable, il ne fuit pas sa prison. Mais lorsqu'il devient adolescent, il doit maintenant comprendre qu'il est un roi sauveur. Pas coupable, sauveur, c'est autre chose. Alors, vu qu'ici, s'il peut supporter l'idée qu'il doit lui-même se sauver, c'est le roi. Mais là, il est encore prince, ou princesse, mais c'est le roi. Et qu'il doit sauver en même temps ce qui l'entoure. Alors, il ne se suicidera pas. Alors, il n'essaiera pas de mortifier son corps comme certains ordres le font faire à d'autres humains. Alors, il n'essaiera pas ce genre de choses. Il va par contre essayer maintenant d'améliorer certaines choses et surtout de s'améliorer lui, du point de vue de la conscience. Mais nécessairement, ça l'amène à douter. Ça l'amène à poser des questions neuves. Oui, l'enfant qui posait les questions que la nounou lui dictait de poser commence à poser des questions à la nounou. Et la nounou ne peut pas répondre. Et c'est là le doute. Lorsque l'on pose des questions à notre tradition et qu'elle ne répond pas, nous sommes en train de vivre notre fête. Lorsque nous posons des questions à nos prêtres et que nos prêtres ne peuvent pas répondre, nous vivons notre fête. Lorsque nous posons des questions au passé, à nos nounous, à nos maîtres d'armes, et que ceux-ci ne peuvent pas répondre, c'est que notre faculté de poser des questions est maintenant au-delà de leur faculté de répondre. Bref, nous sommes plus intelligents. C'est-à-dire, nous sommes maintenant en contact avec une puissance intelligente supérieure à celle qui ordonnait le maître d'armes et la nounou. Mais le problème, c'est qu'on va vous dire, cesse de poser ces questions niaiseuses-là. Tu devrais te contenter simplement de me faire confiance. L'intelligence, quand elle pénètre l'homme, elle ne peut pas être oblitérée, elle ne peut pas être omnibulée, elle ne peut pas être bloquée par la nounou, par le passé, par les ordres. Alors, nécessairement, on va simplement vous faire souffrir un peu plus. On va vous consumer par la culpabilité. On va vous rendre de plus en plus émotivement problématique. Et l'humain va commencer à se droguer pour oublier. Et ça fait partie encore de la structure des ordres, pour oublier qu'il pense. Pour ne plus se poser ces questions-là, au moins il pourra supporter le manque de réponse. Il pourra peut-être devenir alcoolique. Il rentrera peut-être, il recherchera quoi? Une secte? Une religion? Une école traditionnelle? Une école de croissance? Une école de philosophie? Qui pourra répondre et remplacer la nounou? C'est bon, à la condition que lorsque l'école, la secte, la religion, la structure ne peut pas répondre encore une fois à vos questions, si encore votre fête, et vous devez maintenant passer ailleurs. Lorsque vous allez, vous lisez des livres de Krishnamurti, et vous lisez ça, et puis vous comprenez, ça répond à des questions. Alors Krishnamurti, il est correct. Lorsque dans ces livres, vous ne trouvez plus rien, alors Krishnamurti n'est plus correct. Mais lorsque vous continuez pareil à lire des livres de Krishnamurti pour rien, parce que c'est ça qui vous a réveillé à un moment donné, et c'est là que vous perdez votre temps. Lorsque vous rentrez dans une religion et que vous posez des questions et qu'on vous répond, c'est merveilleux. Lorsque vous posez des questions et on commence à vous trouver achalant, ça va être votre fête. Alors là, il y aura plusieurs processus pour vous obliger à ne pas poser trop de questions. La culpabilité est le meilleur des processus. Et quand on vous dit, oui, mais là, tu doutes, tu n'as pas la foi. Oui, j'ai la foi. Sauf que ma foi, elle englobe maintenant un peu plus que la tienne. Et le premier processus orchestré de l'ordre est de te rendre jaloux. On doit tout avancer en même temps, n'est-ce pas? Parce que quand il y en a un petit fraîchier qui avance plus vite que nous autres, on y dit, hein? Un jour, l'homme sera Dieu, disent les religions. Et secrètement, qu'il n'y ait pas un seul qui vienne se prétendre Dieu. Mais non, mais pas avant les autres. Mais l'évolution est individuelle. Le bonheur, c'est illégal sur la planète Terre. Allez dire à quelqu'un que vous êtes heureux, il va vous rire d'en face. Ce sont des expressions des ordres. L'ordre installe des lois... Et ces lois, vous devez les exécuter jusqu'au jour où vous êtes capable d'en comprendre l'intelligence. Lorsque vous êtes capable de comprendre l'intelligence d'une loi, celui qui exécutait la loi pour vous doit simplement cesser d'être. Je veux dire quoi? Je veux dire ceci. Les 10 commandements de Dieu, est-ce qu'ils doivent encore vous régir? Certains oui, d'autres non. Moi, je n'ai pas besoin que Dieu ait dit « tu ne tueras point pour ne pas tuer ». Je n'ai pas besoin de ce commandement. J'envoie l'intelligence. Si le commandement n'aurait jamais été donné, je le donnerai. Je n'ai pas besoin d'une loi pour m'interdire d'arrêter sur un feu rouge. J'envoie l'intelligence. Je ne dis pas que la loi est fausse. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la loi, elle ne peut plus être exécutoire pour moi. Étant donné que je vois l'intelligence de la loi, je peux maintenant transgresser la loi sans avoir de problème. Et c'est ce que l'homme peut faire. Mais il y a une nuance. Vous ne pouvez pas transgresser une loi par émotivité, par orgueil. Vous allez payer pour. Lorsque je transgresse une loi qui s'adresse dans le plan des ordres aux êtres humains qui en ont besoin, moi, ça ne me dérange pas. Alors, il y a des individus qui vont avoir comme plan de vie, du point de vue de la gestion des ordres, l'obligation inconditionnelle de respecter leurs parents, même si leurs parents ne sont pas respectables. Et à un moment donné, si l'intelligence habite l'enfant, il aura le droit de respecter ses parents s'ils sont respectables. Mais tant que l'intelligence n'habite pas l'enfant, il devra les respecter. Parce que l'enfant, s'il n'a pas la conscience de comprendre le pourquoi, il n'a pas non plus la conscience de se régir lui-même. L'homme ne vit pas pour la loi. Quelle que soit la loi, l'homme ne vit pas pour la loi. La loi, elle est instaurée pour l'homme. Sauf que lorsque l'homme comprend la loi, lorsque l'homme a l'intelligence, ou lorsque Dieu, ou lorsque l'intelligence supramentale, ou lorsque la conscience, ou blablabla, c'est... Voyons donc, s'exprime chez lui. Nécessairement. Oui, c'est quand je pèse sur ça, ici. C'est comme vous, je l'ai appris. Hein? Je ne sais pas s'il y avait ses écouteurs. Bon, en tout cas. Vous savez, la peur et le sursaut, ce n'est pas correct. La nounou, le maître d'armes, vous a expliqué que vous deviez avoir peur pour que quand vous avez peur, vous l'appelez. Et c'est ce qu'on fait dans la société. Si tu fais attaquer, appelle la police, crie. Apprends pas à te défendre. Non, non. Elle fait pogne chez vous. On te montre pas de servir d'un extincteur. Non, non. 911. C'est le temps. C'est la même chose. L'homme, c'est quelque chose de très utile, cosmiquement. Vous pourriez dire très important, essentiel. Vous étiez des êtres déchus. Vous avez chuté selon les instructions des ordres. Et on a même déjà dit, ne mettez jamais Dieu au défi parce que la foudre va vous foudroyer. Moi, j'ai appris ça à l'école, à la petite catéchèse. Or, je n'avais pas mis Dieu au défi. Un Dieu qui m'aime à ce point-là, tu ne fais pas ça au défi parce que pas au cash. Et lentement, je me suis posé des questions et puis finalement, j'ai eu ma fête. Ma mère n'allait pas à l'église, mon père non plus, mais moi, il fallait que j'y aille. Fait que moi, je n'y allais pas non plus. Mais j'allais ailleurs, parce qu'il fallait que j'y aille. Et lentement, j'ai élevé la main à l'église, pose une question. Puis là, imaginez-vous bien que... pas le prêtre qui me l'a dit, non, c'est tout le monde autour de moi. Ça ne se fait pas. Ce qui ne se fait pas ici, ça se fait ailleurs. Je suis à l'étape de poser des questions, je vais donc ailleurs. Celui qui ne comprend pas et qui a de l'ego va vouloir changer l'Église. C'est ridicule. Les gens qui sont là n'ont pas besoin qu'on change l'Église. Je ne suis pas meilleur, supérieur ou quoi que ce soit. Je suis simplement différent maintenant et je vais poser mes questions ailleurs. Et au fur et à mesure que l'être humain avance, il doit faire cela. Je répète, l'ordre, son rôle, c'est de permettre à l'enfant qui vient au monde, ce que vous appelez l'homme déchu, la chute, bang, de pouvoir se lever, marcher à quatre pattes, éviter les précipices, pas juste matériel, au niveau de l'évolution. Et surtout, faire attention à ce que les théologies appellent le diable. Le diable, ça symbolise quoi? Ça symbolise quelque chose qui peut s'approcher de l'homme et qui a une nécessité de s'emparer de l'homme. Le problème, c'est que tous les ordres peuvent devenir quelque chose qui aurait intérêt à s'emparer de l'homme. En réalité, ils vont conserver l'homme à un niveau de stagnation, pour continuer à être ce qu'ils sont. Lorsqu'un ordre n'a plus d'ordre à donner, l'ordre doit être dissous. Et nécessairement, les ordres les plus bas ont de l'ego comme l'homme et ne veulent pas être dissous. Ils veulent vivre. L'un des mécanismes relativement antiques des ordres va être les maîtres du monde, les grands maîtres, qui finalement ne veulent pas perdre leurs disciples parce qu'ils n'auront plus de fonction. Shambhala a été... Yavik, il est maintenant satanique. L'Agartha, même chose. Et maintenant, c'est satanique. Ça a encore une légère utilité pour les pays sous-développés, mais ça n'a aucune utilité pour les pays développés. C'est pourquoi ça vient dans les pays développés, pour s'emparer des pays développés. Des êtres humains qui fonctionnent encore avec les ordres. Vous recherchez encore un maître. Le maître, peut-être qu'il existe. Temporairement, parce qu'on monte les marches. Sauf que de rechercher les maîtres du passé, c'est une grave erreur pour la simple raison que la personne, elle vit d'une nostalgie, elle est rendue à 45 ans, c'est le roi sur son trône, puis il se met à broyer, puis là, il demande sa nounou. Plus l'homme accepte de vivre longtemps régi par les ordres célestes qui ne doivent plus le diriger, plus il s'évertue à rendre difficile sa fête. Imaginez que vous avez 18 ans que présentement, on ne vous met pas roi, mais vous êtes le prince héritier du trône. Et vous êtes encore à l'époque, à l'âge où vous allez vous chicaner pour un cornet, devant le peuple, devant les armées qui devront vous obéir. Et vous allez encore pleurer sur le jupon de votre nounou. Lorsque vous serez roi ou reine, qui va vous écouter? Et c'est le problème. Parce que depuis tellement longtemps, l'homme change et continue à se faire manipuler, à se faire violer dans sa conscience par ce qui, depuis longue date, aurait dû l'abandonner. Et chaque fois qu'il gagne un plan supérieur, moi, je suis le maître d'armes, et puis là, je vous vois arriver, vous êtes encore, vous êtes rendu à 8 ans, et puis vous êtes encore en train de vivre de votre nounou. Alors, je me dis, celui-là, il a de la misère à l'élever, hein? Et quand, à un moment donné, il fait une colère devant moi, puis qu'il me dit, je suis le roi, enfin, le futur, je suis le prince ou la princesse, puis tu n'as pas le droit de me cracher au visage quand je manque mon coup, moi, il va dire quoi? Moi, dire, hey, la folivette, ferme ta gueule. Il a raison. Mais je l'ai tellement vu faire ramper devant tout le monde que je sais très bien que si je l'envoie promener, il va finir par ramper devant moi aussi. Un jour, il sera un roi, un maître esclave, un roi qui sera dirigé par tous ceux qu'il doit diriger, au nom du fait qu'il est passé à travers les mains de ceux-là. La nounou vous a nourri, elle vous a sauvé la vie. Soit. Remerciez-la comme une nounou doit être remerciée. Ne vous vendez pas. Quels que soient les ordres, qu'ils soient progressivement évolutionnaire. Craindre son Dieu est une des lois. Craindre son Dieu est une loi qui s'adresse à tout ce qui va vous habiter, vous, pour vous diriger. Bref, c'est une loi qui s'adresse aux ordres établis dans votre conscience. Tu craindras ton Dieu. Ça ne s'adresse pas à vous, les hommes. Ça s'adresse à ce qui vous habite pour vous faire évoluer. Et ça, ça doit vous craindre, vous. Imaginez-vous que l'homme a même fini par prendre, par accepter l'idée que pour évoluer, il doit souffrir. Ce qui vous fait évoluer ne vous craint plus. Alors, vous avez un doute, on vous rend malade, plus de doute. Vous commencez à comprendre, votre fils ou votre fille se drogue, occupe-toi-en, plus de doute. Ça ne craint même plus l'homme. Et ça devrait craindre l'homme. Par contre, l'homme craint ces choses-là. L'homme est un maître esclave. Et on doit changer ces choses. Plus on attend avant de changer ces choses, plus la fête va être un peu pénible. C'est-à-dire que, comme je vous dis, ça fait 20 ans que je suis le maître d'armes et puis je vous fais faire ce que je veux, bien, quand vous allez commencer à crier, moi, je vais commencer par rire de vous. C'est évident. Et lentement, si vous criez d'une façon contrôlée, pas de panique. Puis appelle pas la nounou à ta rescousse pour que moi, le maître d'armes, je m'en aille. Ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez, et vous avez ce qu'il faut pour, parce que vous êtes rendu à un âge d'évolution, pas un âge biologique, un âge cosmique, suffisamment avancé pour maintenant être capable de discerner qu'est-ce qui, dans les ordres, doit être abandonné et qu'est-ce qui, dans les ordres, doit être respecté temporairement. Mais respectez. Ce qui est encore utile pour vous, vous ne devez pas le rejeter au nom du fait que ça ressemble à ce qui ne l'est plus utile. C'est important. La personne qui a des souliers talons hauts et qui se rend compte finalement qu'elle a des maux de dos et des maux de tête à cause qu'elle a toujours les bons, a banni les souliers. Mais non, c'est les talons. C'est la même chose. Vous mangez trop mal, OK, je ne mangerai plus. Mais non. Alors, il y a des mécanicités. Il y a des personnes qui se conscientisent et qui découvrent la manipulation. Ça arrive, c'est social présentement dans notre société. Le Québec est l'une des régions les plus avancées sur la planète et la partie nord planétaire est la plus avancée de la planète. Alors, nécessairement, on va faire des vérifications sur les sectes, sur les écoles de croissance. On a pu lire dernièrement dans les journaux plusieurs choses sur différentes écoles de croissance. Où on va dire, par exemple, dans un centre, que les gens, on leur demande de tourner autour d'un sapin, de gueuler après le sapin, puis toutes les mauvaises vibrations, ils descendent dans le centre de la Terre, où ils vont se baigner dans un lac. Puis là, ça remonte d'un branche en bonne vibration d'amour qui se répand sur la planète. Bon. Et là, la personne qui a vécu ça, bien, elle trouve ça un beau petit point comique, fait que t'as démoli ce centre-là au bout. Il y a rien qu'un problème, c'est que ça marche. C'est ça qui est le problème. Mais ça ne s'adresse pas au gars qui a écrit l'article, c'est tout. Mais ça marche. Tu veux te suicider, puis là, tu tombes dans ce sens-là, puis on te fait faire ça. Ben oui, ça marche. Les Indiens d'Amérique dansaient autour du feu en gueulant, comme ça, ils rejetaient leurs énergies de colère, puis après ça, ils s'assoyaient, puis là, maintenant, ils faisaient un gros caucus pour prendre une décision. Est-ce qu'on fait la guerre ou pas? Les indigènes d'Afrique, ils font des thérapies similaires, puis les Américains s'en servent, il y a besoin de thérapies de groupe, puis ça fait longtemps que les sauvages s'en servent. Le problème, c'est que l'ordre qui gère une chose, peut-être que vous devez vous en détacher, ce n'est plus de votre âge. Mais est-ce qu'il faut pour autant bannir cela pour les autres? Non. C'est normal qu'une société comme la nôtre, maintenant, s'inquiète de ce genre de choses et vérifie. Pourquoi? Parce que le doute a été instauré dans leur âme. Et c'est parfait. Lorsqu'une personne qui est à la radio déblatère sur un paquet de monde, c'est génial. On doit la laisser faire. Pourquoi? Parce qu'elle engendre le doute. Elle pense protéger la société et c'est ce qu'elle fait, mais pas comme elle le pense. Sauf que celui qui se conscientise consciemment, celui qui devient donc un être humain et qui ne se conscientise plus de l'évolution animale humaine, qui se conscientise inconsciemment, doit faire la part entre ce qu'il doit faire lui et de ce que les autres doivent faire. Vous êtes à un âge où vous pouvez prendre en main une grande partie de votre évolution. C'est-à-dire que vous pouvez la comprendre. Et si on peut la comprendre, nécessairement, on devra pouvoir l'appliquer. Mais je répète, il y a une partie anti-homme chez vous. Cette partie anti-homme est celle qui est reliée aux ordres inférieurs, à ceux, aux ordres, qui ne veulent pas que vous les abandonniez, apparemment. Alors, nécessairement, vous avez une conscience qui vous fait dire, qui vous fait comprendre la démarche que vous faites, ce que vous devez faire, puis en même temps, on vient vous talonner au complet avec « tu sais pas », quitter pour le savoir, arrête donc, va donc te coucher. Plein de bébites qui fait que l'être humain avance entre le maître d'armes et la nounou. La nounou a dit, ben non, tu prends pas ça, les épées. Elle a jamais fait ça, elle. Maître d'armes, il dit, viens, maintenant, il faut que tu apprennes à te défendre. La nounou va dire, ben non, laisse faire, moi, tu veux te protéger. Puis là, l'humain est rendu à sa fête. Là, il est pogné là-dedans. Le rôle des ordres est de faire évoluer l'humanité. Ce qui est à retenir, surtout, c'est que tout ce qui existe sur la planète Terre est intelligent et bon, mais il ne s'adresse pas nécessairement à vous. Et ce n'est pas parce que ça ne s'adresse pas nécessairement à vous que ça ne s'adresse plus à personne. Une chose est mauvaise que si vous l'adoptez alors que c'est inutile. Si vous êtes extérieur d'une secte, cette secte n'est pas mauvaise. La preuve, des humains y vont. Ouais, mais ils sont manipulés, exact. Et ils sont prêts à être manipulés pour rentrer là. Et à un moment donné, ils vont se révolter. Oui, ils auront passé une fête de plus, ils auront appris. Ils n'auront plus besoin de toi pour dire que les sectes sont dangereuses, peut-être. Il le saura de par lui-même. Oui, mais il aura fallu qu'il passe 10 ans de sa vie là-dedans, puis ça coûte 200 000 piastres, ça coûte sa famille. C'est un prix très peu cher, comparativement à l'inconscience qu'il l'habiterait encore s'il t'aurait écouté. Il n'irait pas d'insectes, parce qu'il a confiance en toi. Mais si par hasard, tu t'es trompé, bien, il s'est fait fourrer royalement. La meilleure chose, c'est que l'être humain fasse ses expériences. Quand vous avez fini la vôtre, ce n'est pas nécessaire de le trier sous tous les toits. Vous êtes un roi, une reine. Ce n'est pas de la motivation, c'est un fait. L'homme, ce n'est pas de la merde, même s'il en fabrique. L'être humain, c'est quelque chose de formidable, sauf que, à travers tout ce qui régit cette formidable expression, il y a des contingences qui y vont pour adoucir votre évolution. Adoucir le contact entre l'esprit et la matière, parce que sinon, ça saute. Lorsque l'esprit descend au niveau d'un chien, elle est aussi intelligente qu'un chien. Lorsque l'esprit ou l'intelligence descend au niveau d'un homme, elle est aussi intelligente qu'un homme. Plus l'homme est haut, plus elle arrête haut et plus elle instruit l'homme. Plus l'homme est haut, plus elle arrête haut et plus elle instruit l'homme. Les ordres, c'est la même chose. On a un ordre inférieur qui s'adresse, qui a la faculté de décoder l'intelligence, parce que l'intelligence devient suffisamment refroidie pour que vous puissiez le manger. Donnez de l'aliment à un bébé. Fais-tu manger un steak, même pas au blender, un bébé qui vient de naître? Vous allez le tuer. Vous ne mangez pas du pablum le restant de vos jours. À un moment donné, vous allez manger du steak. Sauf qu'il y a un ajustement qui doit être fait. Et c'est ça, l'évolution. Alors, le petit pot, les bananes écrasées, les petits cossins, avec un peu de sucre blanc dedans, eh bien, ça permet au bébé de vivre. c'est bon goût. Tout est adapté au bébé, c'est parfait. Mais à un moment donné, on passe à d'autres aliments. Et l'aliment qui présentement devrait vous être servi sur un plateau, ce n'est pas de la croyance. La croyance n'est pas mauvaise, mais ce n'est plus là-dessus que vous devez fonctionner. L'ordre qui maintenant devrait vous régir s'appelle de l'intelligence. Pas de l'intellectuance, de l'intelligence. L'ordre auquel vous devriez vous adjoindre, vous allier, c'est un ordre qui vous permet de devenir naturel et qui vous permet maintenant de ne plus être normal. C'est un ordre nouveau qui vous permet d'être ce que vous êtes au fur et à mesure que vous l'exprimez, sans accepter de rester brimé par un ordre collectivisant la normalité. On ne doit plus être normal. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arranger pour être anormal, comme l'ordre, les premiers êtres humains, les jeunes, qui ont décodé ça, qu'ils ne devaient plus être normal. L'ordre les a ramassés, l'ordre de la normalité, pour leur dire, t'as raison, peinture-toi un œil en bleu, puis l'autre en vert, mets-toi du stuff à clous, puis fais des cochonneries comme ça, tu vas être anormal. Non. Pourquoi? Parce que l'ordre dit ça tout le monde en même temps. C'était normal maintenant pour ton âge. C'est ça le problème. Ce que vous devez faire, c'est maintenant travailler avec un ordre nouveau qui accepte le doute, qui refuse la culpabilité et qui vous permet de marcher sans être assujetti aux choses organisées. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la faculté, à l'âge où vous êtes rendu, d'expliquer au maître d'armes ce que vous voulez apprendre et plus juste rester assujetti à tout ce qu'il veut vous montrer. Vous avez même le droit de changer de maître d'armes ou de travailler avec deux ou trois. On fait une petite pause sur une période de questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, et puis on revient.